dans mes souvenirs. J'ai bien essayé de me rappeler le moindre de tes sourires. J'ai perdu mon temps à tenter de retrouver des bribes de ce passé où l'on s'est aimé. Pas la moindre trace. J'ai pourtant bien cherché un semblant et une trace. Je commence à penser que j'ai vécu une farce. Parfois je rêve que je pense à toi. C'est fou ce qu'on peut imaginer. Tu m'enlaçais et m'embrassais, me murmurant des mots insensés. Pas la moindre trace. J'ai pourtant bien cherché un semblant et une trace. Je commence à penser que j'ai vécu une farce. Pas la moindre trace. J'ai pourtant bien cherché un semblant et une trace. Je commence à penser que j'ai vécu une farce. Tous ces sentiments que l'on ressent, rien de tout ça n'est très clair. Peut-on se fier à l'autre entièrement, jusqu'où notre âme se perd. Pas la moindre trace. J'ai pourtant bien cherché un semblant et une trace. Pas la moindre trace. J'ai pourtant bien cherché un semblant et une trace. Je commence à penser que j'ai vécu une farce. Pas la moindre trace. J'ai pourtant bien cherché un semblant et une trace. Je commence à penser que j'ai vécu une farce.